Slow Deauville présente. Une étoile dans la gorge. Hey!

il ne passe plus rien dans le ciel. Peut-être de temps en temps des avions qui font une guerre inconnue. Même dans la nuit, la ville n'est plus assez noire pour accueillir le ciel. Allez comprendre cela. Est-ce que aussi les femmes la nuit ne sont plus assez noires pour m'accueillir ? Ou est-ce seulement mon cœur où il ne passe plus rien ? Plus rien, c'est vite dit. J'étrangle des sanglots avec mes mains d'adolescent et crie de même. Je bafouille une réponse à la vie. Plus loin, c'est la joie, pas de joie, domino, oh. La joie pendue par un chasseur. Bonne chance, c'est le cri des couches-tard. On les voit, plus fatigués que ceux qui dorment, tirés de grandes ficelles dans leur dos. Je sais où elles mènent. Je sais que dans le dos de chacun de ces vagabonds, il y a une ficelle vers une fenêtre et derrière la fenêtre, le lit d'une fille qui ne les a pas rejoints. Je sais aussi qu'ils la gardent moins pour l'espoir que pour décorer une poitrine où il ne passe plus rien, à part soi et à part peut-être, de temps en temps, un avion qui fait la guerre à une fenêtre inconnue. La ville tombera un jour. Tous ces immeubles sont des pierres tombales, d'où coulent les tronches sons de la lumière nocturne. Parlons-en de la ville, parlons-en. Mais pour cela, il faut boire. Les villes existent pour faire boire les hommes qui veulent en parler. Alors, on lance un poème ancien froissé. Ma déprimante souvenir. Je lui avais écrit un bouquet de passion. Je cherche une déprimante, une fille où couleraient des assoiffés. Je voudrais danser une femme à la peau mate et magique. Énième brouillon à la chaîne de la dérive. Il ne se passe plus rien dans le ciel. Esteja alerta para as regras dos trens. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Wounded shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down and green pastures. He Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was at the beginning. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I die before Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. God bless thy kingdom my brother, come, my father, thy will be done, brother, on earth as it is in heaven. Bless this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Who is God? Well, it's an invisible person, and he lives up in heaven. Up there. God is somebody who rules the world. He's kind of big and fat. He can see us wherever we do. Whatever we do, he has such powerful eyes. He doesn't have millions and thousands and billions. And he can still see us when we're bad. He could be sitting on the table right now, but you can't see him. If he was a bad man, he'd make everything bad. He wouldn't have electricity. He wouldn't make people. Well, I think that God isn't a person, but he's up in the heavens and he's watching over us right now. Comme le vent dans les branches. Je regarde filer les bordures, les arches, le tracé des lumières rouges ou blanches, joyaux pour orner la pénombre, long serpent dans le passage en double sens. La porte inventée entre les collines, comme deux épaules de terre, les arbres, les buissons graphiques en ombre portés dans la pluvieuse nuit d'automne, et la traîne de peur qu'on laisse glisser en triangle derrière soi. Tout soudain me semble simple. Le vent, les branches, l'encre du soir, des arbres et des lisières où le temps s'aligne. Dans le fleuve chaud du voyage, tout parle à mi-voix, une langue qu'on n'apprend nulle part. Je ne suis là finalement que pour te dire, ces arbres noirs contre un ciel d'ardoise, cette porte sans montant ni seuil, et ce que je vois en cet instant tranquille, laissant défiler une beauté qui ne peut se dire. Je suis là pour décrire, ou juste voir la porte, le double collier lumineux, les arbres qui pour toi rappellent l'histoire, s'exclament sans mots ni bruit, écrivent de leurs grandes branches, leurs cimes de chaque feuille trempées dans le soir glacé, cette frange où s'éteint la lumière. Et moi je suis morte, je suis parfaite. Je suis un duo de phares rouges dans un collier qui glisse. Je glisse et coule et je vais là où je vais. Thank you.

sagesse. Va ton chemin sans plus t'inquiéter. La route est droite et tu n'as qu'à monter, portant d'ailleurs le seul trésor qui vaille et l'arme unique au cas d'une bataille, la pauvreté d'esprit et Dieu pour toi. Surtout, il faut garder toute espérance. Qu'importe un peu de nuit et de souffrance. La route est bonne et la mort est au bout. Oui, garde toute espérance surtout. La mort là-bas te dresse un lit de joie. Et fais-toi doux de toute la douceur. La vie est laide, encore c'est ta sœur. Simple. Gravis la côte et même chante pour écarter la prudence méchante dont la voix basse est pour tenter ta foi. Simple comme un enfant, gravis la côte. Humble comme un pêcheur qui hait la faute. Chante et même sois gai pour défier l'ennui que l'ennemi peut envoyer afin que tu t'endormes sur la voie. Ris du vieux piège et du vieux séducteur. Puisque la paix est là, sur la hauteur, qui luit parmi des fanfares de gloire. Monte, ravi dans la nuit blanche et noire. Déjà, l'ange gardien étend sur toi, joyeusement, des ailes de victoire. Thank you. Cette émission vous a été présentée par Oslo Deville. Vous pourrez retrouver sur le site de Radio Soleil la playlist des morceaux joués et les références des textes lus, ainsi que sur le blog Zoorama+. Et à tous ceux qui ont une étoile dans la gorge, je vous dis à bientôt.